Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le pape Benoît XVI, de son élection à sa renonciation. Fratelli e sorelle carissimi, bien chers frères et sœurs, annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Sancte Romane Ecclesiae, cardinalem Ratzinger. C'est le 19 avril 2005 que Benoît XVI succède au pape Jean-Paul II. Le choix de Benoît XVI est à la fois celui de la continuité et du changement. Continuité, dans la mesure où les dernières années du règne de Jean-Paul II ont été marquées par un grand conservatisme et que l'image d'un pape malade et diminué, qui avait beaucoup perdu de sa superbe et de son charisme légendaire, nous est évidemment restée en tête. Changement tout de même, dans la mesure où Benoît XVI arrive avec une image d'austérité qui fait contraste tout de même à cette image qu'on a longtemps eue de Jean-Paul Paul II, ce pape ultra-médiatisé et si télégénique. Alain Crevier a été animateur de l'émission Second Regard pendant des années. Il a bien connu cette période du pontificat de Benoît XVI et il a accepté de participer à notre série d'émissions spéciales réalisées avec des collègues de Radio-Canada qui viennent nous parler de sujets qu'ils connaissent bien ou d'histoires qu'ils ont vécues. Alain Crevier est dans nos studios de Québec. Alain, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle place il occupe, Alain Crevier, Benoît XVI, dans l'histoire de la religion catholique? Bien, je vous dirais une bonne place, en tout cas certainement dans le 20e siècle, parce que je pense que Benoît XVI, Ratzinger, incarne en quelque sorte toute une époque. L'époque des années 50 après la Deuxième Guerre, l'époque où l'Église se cherchait puis espérait. Donc c'est l'époque des promesses et aussi des promesses déçues, celles du Concile Vatican II, où on pensait qu'on allait dépoussiérer cette institution. Et puis, il sera là aussi pendant un quart de siècle comme le gardien de la foi catholique. Et il n'aura pas d'autre choix que de voir à quel point les gens vont décrocher de l'Église. Alors, il a tout vu, dans le fond, hein, et jusqu'à, je dirais, sa démission. Il finit son pontificat, ouais, comme personne ne s'y attendait, avec une démission tonitruante. Puis on y reviendra, mais c'est peut-être, ouais, c'est assez cynique, mais c'est peut-être ce qu'on retiendra le plus de lui, le fait, ah oui, qu'il renonce à son rôle de pape. Mais en gros, on l'a beaucoup dit, mais un grand théologien, mais qui refuse de... Le mouvement, là, hein, si on avait à résumer. Ah oui, c'est vrai. Et vous savez, le plus curieux là-dedans, c'est que les gens ne savent pas ça, mais il y a des étudiants qui ont travaillé, qui ont étudié avec Ratzinger à l'époque, donc dans les années 60, et qui disaient ceci, c'était un théologien brillant aux idées modernes. Ah bon? Alors qu'aujourd'hui, l'image qu'on se garde de Benoît XVI, c'est quelqu'un d'extrêmement conservateur, très proche des traditions, même dans le vestimentaire, et très, très loin de la modernité. C'est un homme d'une foi sans compromis qui, a toute sa vie, a dû lutter quelque part pour essayer de s'arrimer avec un monde constamment en changement. Ouais. Revenons à ce fameux Habemus Papam du 19 avril 2005 qu'on entendait au tout début de l'émission. Parlez-nous de ça. Dans quelles circonstances est élu Benoît XVI? Ah, je me souviens, parce que pour nous, c'était, pour moi, pour certains de mes collègues, c'était des moments très, très intenses. Je me souviens qu'à Radio-Canada, on disait, bon, on ne va pas quand même faire toute une couverture avec le décès de Jean-Paul II puis l'élection d'un prochain pape, et c'est ce qui est arrivé. Ouais. Ça a déferlé pendant un mois. Je suis sorti de là à quatre pattes, vraiment épuisé, et je me souviens parce que Jean-Paul II, pendant plusieurs semaines, mois, pour ne pas dire années, a transporté sur la place publique son agonie. Oui. Et je crois sincèrement qu'il l'a fait exprès. Il voulait démontrer, lui qui croyait en la vie, que la vie, ça allait jusque-là. On a subi son agonie comme s'il faisait un chemin de croix. Et je me souviens de tout ça parce que, d'abord, un conclave, c'est inimaginable. On n'a pas d'informations, puis on nous demande d'expliquer ce qui se passe. Quand il y a de la fumée qui sort de la chapelle Sistine, c'est toujours de la fumée grise. Ça devient compliqué. Et dans le ciel, on se disait, il n'y a pas tant d'options que ça pour l'Église. De quel côté ça ira après un pontificat comme celui de Jean-Paul II? Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'au final... c'est vrai, vous faites bien de le rappeler, ça l'a dit, ça a été long, parce qu'il y a eu une première fausse alerte, si ma mémoire est bonne, mais la santé, oui, de Jean-Paul II était vacillante. On s'est dit, tiens, on s'en va vers un conclave. Puis non, finalement, ça a pris un peu plus de temps. Mais vous savez que moi, là, j'avais un job. À l'époque, on m'avait dit, si tu entends dire que Jean-Paul II est décédé ou qu'il est sur le point de décéder, tu fais deux trucs. Tu vas chercher Claude Labbé, le recherchiste qui connaissait tout sous bout de ses doigts. T'attrapes Monseigneur Couture à Québec et tu t'en viens. On se fiche de savoir il est quelle heure, ça peut être en pleine nuit. Bon, on a fait ça au moins deux fois. Oui. Et je me souviens parce que Monseigneur Couture disait toujours, j'essayais de lui cacher la vitesse à laquelle j'allais, c'est moi qui conduisais. Puis, mais il devinait qu'on roulait très vite parce qu'on voulait entrer en onde très rapidement. Oui. Deux fois comme il faut, comme ça, des fausses alertes. Et puis ensuite, l'agonie qui n'en finissait pas. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'au final, donc on y revient, en avril, le 19 avril 2005, les Cardinaux portent leur choix sur Benoît XVI, Alain Crevier? Il y a plusieurs raisons, et je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont de l'ordre tout simplement très pratique. Jean-Paul II, c'est le troisième pontificat le plus long de l'histoire de l'Église catholique. C'est très long, 27 ans ou tout près de. Et je pense qu'il a été élu, il avait 50 ans, un homme en forme, ça n'avait aucun sens. En plus, c'était un politicien, une bête politique. Et je pense que les cardinaux, à la fin... surtout que les dernières années avaient été difficiles, se sont dit, ben non, on va pas remettre ça. On va faire attention pour pas élire quelqu'un qui va durer si longtemps. Donc, ils ont choisi un homme, ou ils allaient choisir un homme qui allait être pas loin de la 80 ans ou quelque chose comme ça. Et ensuite, il y avait, parce que à peu près tous les cardinaux de l'époque avaient été nommés par Jean-Paul II, il y avait donc là-dedans, c'était le reflet de Jean-Paul II, des gens très progressistes et des gens très, très conservateurs. Il y avait les deux. Et il y avait deux personnages qui incarnaient ça, c'était Monseigneur Martini et Joseph Ratzinger. Et la bataille, semble-t-il, on ne le saura jamais, mais la bataille était serrée jusqu'à ce qu'à un moment donné, Martini dise « Écoutez, les amis, là, ça va faire, arrêtez de voter pour moi, j'ai Parkinson ». Je ne pourrais pas faire ça. Et finalement, le vote s'est tourné vers Joseph Ratzinger, qui, dit-on, ironie du sort, ne voulait pas de ce job-là. Il se disait non, je préfère pas. Mais quand il a été élu, je suis à RDI et je suis en compagnie de gens qui sont bien placés dans l'Église, dont un qui était très haut placé. Et quand il a vu que c'était Joseph Ratzinger, il m'a regardé puis il m'a dit non, moi je rentre pas en onde, vous m'interviewez pas, je ne vais pas en onde, je n'irai pas en onde, parce que tout le monde va voir à quel point je suis déçu, les gens vont comprendre que je suis en colère, il n'est pas question que je rentre en onde, donnez-moi un peu de temps pour que je me calme les esprits. Ben, c'était ça, Benoît XVI. Le nom était écrit dans le ciel, mais la controverse aussi. Oui. Avant de parler de son pontificat comme tel, un petit mot quand même, j'ouvrais l'émission en... On ne peut pas faire autrement. D'abord, il succède à Jean-Paul II, puis j'ouvrais l'émission en comparant les deux figures. Ouais. Le contraste, même si à la fin, le contraste est peut-être moins éclatant, mais comment ils se comparent, ces deux hommes-là? Ah, c'est une excellente question et ça dit tout, je crois. Jean-Paul II est polonais. Il est élu dans le deuxième conclave d'une même année en 78. C'est polonais, là, j'entends parler quelqu'un qui a vécu, qui a subi l'Union soviétique et qui a un profond problème avec le marxisme et le communisme. Et ce gars-là va être une bête politique. Moi, c'est comme ça que je le dis, puis je pense pas être le seul, même si lui disait « Je ne fais pas de politique ». Écoutez bien, là, on lui doit une partie de la chute du mur de Berlin, on lui doit une partie, puis c'est pas moi qui le dis, c'est Gorbatchev, la chute aussi de l'Union soviétique. C'était un phénomène politique. Benoît XVI, c'est tout le contraire. Et d'ailleurs, le cardinal Turcotte m'avait dit il y a plusieurs années, quand il est revenu de ce conclave-là, je lui avais dit « Mais pourquoi vous avez voté pour Ratzinger ?» Puis il m'avait dit « Pour Jean-Paul II, Joseph Ratzinger était son assurance théologique. C'était un grand théologien. C'était un intellectuel. Un gars superbe. Il pouvait jouer avec des concepts. Et Jean-Paul II, c'était le contraire. C'était un gars de théâtre. C'est un gars qui faisait de la poésie. Qui, même quand il était assez magané, il faisait des tours de passe-passe avec la petite canne qui lui permettait de se tenir debout. Ratzinger était tout le contraire. C'était un homme sérieux. Oui. C'était un théologien, pardon. Il y a eu cette phrase extraordinaire, d'ailleurs, quand Benoît XVI est arrivé, où quelqu'un a dit « On venait voir Jean-Paul II, on vient entendre Benoît XVI ». Ça dit c'est vrai. Mais ça, c'est Bernard Lecomte, c'est mon ami Bernard Lecomte qui m'a dit ça il y a des années de ça. Mais il a tellement raison. Quand Joseph Ratzinger a été élu, il est devenu Benoît XVI, premier voyage qu'il fait, il s'en va en Allemagne. N'oubliez pas, c'est un pape allemand. Et il s'en va en Allemagne, à Cologne. Pourquoi? Pour les Journées mondiales de la jeunesse. Oui. J'étais là, je suis allé avec lui. Il y avait des jeunes là, il y avait des jeunes partout. Et ils étaient d'un enthousiasme délirant. Alors, les gens de ma génération, un peu plus âgés, se disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est un conservateur, c'est un traditionnaliste, c'est pas le gars qui est hop la vie. » Ben non, quand est arrivée la messe du dimanche, j'en ai eu des frissons. À un moment donné, Benoît XVI dit aux 1 million de personnes qui sont là, il dit « On va prendre quelques instants pour se recueillir. » Et vous avez 1 million de jeunes qui se taisent et qui se recueillent pendant une minute. Ça a donné des frissons parce que je me suis dit « C'est comme ça aussi qu'on commet des erreurs monumentales quand on a ce charisme insoupçonné. Je pense que tous les plus vieux ne pensaient pas que cet homme-là aurait une touche comme ça auprès des jeunes. Alors, attaquons-nous maintenant à ce pontificat de Benoît XVI. Il sera sans cesse ponctué, ce pontificat-là, Alain Crevier, de tempêtes, de scandales de toutes sortes, à commencer, bien sûr, par les nombreux scandales sexuels qui vont ébranler l'Église catholique. Lorsque Benoît XVI célèbre cette messe solennelle dans la cathédrale de Sydney, il a devant lui toute la hiérarchie du clergé australien. Des évêques récemment accusés d'avoir couvert des scandales d'abus sexuels commis par des prêtres en Australie. Je voudrais maintenant faire une pause pour reconnaître la honte que nous avons tous ressentie à la suite des abus sexuels sur des mineurs de la part de certains prêtres et religieux dans ce pays. Puis il ajoute une phrase qui ne figurait pas dans le texte initial. Je suis profondément désolé pour la peine et les souffrances que les victimes ont endurées. Des mots qui ont valeur d'excuses présentés par le pape. D'après les associations de victimes, en Australie, 107 prêtres ont été condamnés pour pédophilie. Aujourd'hui, lors d'un rassemblement d'opposants à la venue de Benoît XVI, John McNally est venu crier sa colère. Il avait 11 ans lorsqu'il a été victime d'un prêtre pédophile. J'accepte les excuses du pape, mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons plus que des mots, nous voulons des actes concrets. Être désolé est une chose, agir en est une autre. L'Église ne prend toujours pas cette question au sérieux. Les scandales à répétition de prêtres pédophiles ont obligé l'Église à sortir du déni. Avec Jean-Paul II d'abord, Benoît XVI franchit aujourd'hui une nouvelle étape avec des excuses publiques inédites. Extrait de deux reportages présentés à la télé française au moment des excuses de Benoît XVI aux Journées mondiales de la jeunesse qui ont lieu en Australie en 2008. Quelle place Alain Crevier vont occuper ces nombreux scandales sexuels qui frappent l'Église catholique? C'est d'une tristesse inouïe, d'abord à cause du drame que ça représente, ensuite parce que cette institution a tout fait pour tout cacher, et aussi parce que c'est pas un scandale qui revient à Benoît XVI. Il n'en est pas l'auteur. Ce que je veux dire par là, c'est que le scandale des prêtres pédophiles chez nous éclate en 89 à Terre-Neuve, mais la vague, l'immense vague, explose à Boston en janvier 2001. C'est Jean-Paul II qui est là. Et il va devoir encaisser ça pendant 5 ans, puis ça ne change pas. Quand Benoît XVI arrive, prend le pouvoir, il va, chaque fois qu'il se déplace, il rencontre des victimes. Lorsqu'arrive le scandale d'Australie, évidemment, il est outré, comme la plupart des gens qui suivaient ces dossiers-là. C'était scandaleux, mais profondément. Mais sur l'Irlande, il a tenu des propos très durs à l'endroit du clergé irlandais. Mais il n'y avait rien à faire. Il avait beau vouloir prendre les devants, ça lui sautait au visage comme s'il était responsable de l'ensemble de ces scandales-là. Alors, je peux dire ceci, c'est que d'une manière ou d'une autre, c'est un scandale qui a beaucoup affecté son pontificat. Il avait beau essayer de faire autre chose, ça revenait toujours à la surface. Oui, il hérite de ça en arrivant, puis il sait pas comment... Il peut pas s'en dépêtrer. Cela dit, il va créer lui-même, parce qu'il est très conservateur, on l'a un peu évoqué, son conservatisme social est grand. Il va avoir des déclarations qui, elles-mêmes, vont provoquer d'autres scandales, mais vraiment, il y a les scandales sexuels d'un côté, puis il y a toute la série d'autres petits scandales qui vont encore une fois ponctuer son pontificat. Ah, c'est inouï, parce que ça devait... Souvenez-vous, les cardinaux ont voté en se disant on ne va pas avoir un pontificat qui va être très long, où on va brasser plein d'air. On ne fera pas comme on a fait avec Jean-Paul II. On va voter pour un pape qui est assez âgé, tranquille, vraiment théologien. On va consolider notre foi catholique. Ben, c'est pas ça pas tout qui est arrivé. Ça a été de scandale en scandale, de crise en tempête. Et un truc qui, je pense, lui a fait particulièrement mal, et c'est inouï, ça s'est passé en Allemagne en 2006. Il s'en va dans une université qu'il connaît bien, Ratisbonne, et il fait là un discours en allemand. La plupart des journalistes qui accompagnent le pape ne parlent pas allemand et ne comprennent rien de ce qui se dit là. Mais le lendemain, quelqu'un, comme CNN et les autres, font les traductions, et on se rend compte de ce qu'il vient de dire. Il vient de comparer ni plus ni moins l'islam à la violence, Mahomet à la violence. Et là, c'est comme une poudrière, ça explose. À l'échelle de la planète musulmane, la colère est considérable. Il a beau dire, il dira jamais « je m'excuse d'avoir dit ce que j'ai dit ». Il va plutôt dire « je suis désolé d'avoir provoqué une telle réaction ». Et je pense que c'est un point tournant dans la vie de Joseph Ratzinger de Benoît XVI, qui n'avait pas une grande estime pour le dialogue interreligieux et qui tout à coup se rend compte à quel point il y a quelque chose là d'essentiel, de nécessaire et d'urgent. on ne peut pas se comporter de façon aussi intellectuelle avec des concepts comme ceux-là qui peuvent avoir des rebondissements catastrophiques. Il va se défendre, corrigez-moi, mais sur cette histoire de Ratisbonne, il va dire, en fait, d'abord, je m'adressais à des théologiens de haut rang. Je citais un texte ancien qui a été pris hors contexte. Mais en fait, ce que ça nous montre, c'est cet homme, grand intellectuel, mais déconnecté du monde qui l'entoure, Alain. Ah, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment ça. Et les observateurs attendaient qu'il s'excuse d'avoir tenu de tels propos. Mais dans le fond, il n'a jamais fait ça. Et vous avez raison. Il disait, ben, je m'adressais à des intellos, moi, là. Oui. Ah, mais qu'est-ce que vous avez à vous énerver? Mais dans le fond, là, je pense qu'il a compris plusieurs choses. L'urgence et l'importance du dialogue interreligieux, particulièrement avec l'islam. Mais il a aussi compris qu'il n'était plus un intellectuel qui faisait dans ses bouquins de la grande poussière et tout le reste. C'était maintenant un homme qu'on allait écouter peu importe ce qu'il allait dire à l'échelle du monde. Et je pense que ça, cette leçon-là, il l'a apprise là. Oui. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas cette conviction profonde qu'il porte en lui, puis ça nous amène à la vision qu'il a de la foi, au fond. Je suis catholique, je crois en Jésus, et en fait, les catholiques, on a trouvé, nous, la vérité par rapport... C'est nous qui l'avons trouvé, cette vérité, par rapport aux autres religions. Est-ce qu'il n'y avait pas ça, au départ, comme posture profonde chez Benoît XVI? Et de longue date. Oui. De longue date. Quand je vous disais un peu plus tôt que je pense que c'est un homme d'une foi sans compromis. C'était à ça que je faisais allusion dans ma tête. Là, j'imaginais cet homme-là qui dit un jour... Alors, la vérité, c'est quand on a trouvé la vérité, pouvez-vous-même dire pourquoi on ferait des compromis? Mmh. Ou encore, si j'ai trouvé la vérité, pourquoi je ne le dirais pas? Et alors, ça finit par faire... je me souviens d'avoir une discussion avec quelqu'un qui était très proche de lui sur la notion de dialogue. Et je lui disais, mais quand on ouvre un dialogue puis qu'on est sincère, ça veut dire qu'on accepte de potentiellement changer. Pouvez-vous vous imaginer Benoît XVI changer? Il y a eu un silence foudroyant. J'avais mis le doigt dessus, là. Ouais. Cet homme-là, Benoît XVI, avait une foi sans compromis. Et nous serions, dans le pire des cas, là, il voyait bien que l'Église perdait des ouailles. Il disait, nous serons, j'ai lu ça dans une de ses biographies ou un de ses textes, nous serons moins nombreux, et c'est un fait, mais nous serons plus lumineux, c'est-à-dire que notre foi sera pure. Ouais. Et ça donne ça. Et ça a donné aussi cette conviction d'avoir raison et de s'accrocher à une vision traditionnelle. Ça a donné des déclarations, j'y reviens, qui ont choqué sur l'avortement, sur l'homosexualité. C'était ça aussi. Oui, et parfois de façon tellement maladroite. Vous savez, il y a eu un scandale au Brésil, à Recife. Il y a eu là-bas un évêque qui a eu une drôle de réaction. L'histoire est triste. Une jeune fille de 9 ans, violée à répétition par son beau-père. Elle tombe enceinte et sa mère, voyant le drame, lui procure un avortement. Je ne sais pas quel mot je devrais utiliser. Et bon, elle obtient un avortement. C'est une question de vie ou de mort. Et l'archevêque du coin, lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'excommunier la mère et toute l'équipe médicale. Et ça aboutit où, vous pensez? Ben, à la une de tous les quotidiens, ça va brasser, mais c'est une tempête solide, celle-là. Et je me souviens d'en avoir discuté avec le cardinal Ouellet qui disait « c'est triste, c'était épouvantable », mais je n'ai entendu personne au Vatican, et certainement pas Benoît XVI, dire « nous avons commis là une grave erreur parce que nous avons placé la vie de cet enfant en balise, si vous voulez, en marge de la société. C'est pas ça qu'il fallait faire. » Mais j'ai pas entendu Benoît XVI. Ouais. En fait, c'est le contraire. Quelqu'un a dû dire à Benoît XVI, mêle-toi pas de ça, ça vient pas de ta cour, ça vient de quelqu'un d'autre. Mais n'empêche que c'est des scandales qui tâchent ton pontificat. Ouais. Et c'est le 11 février 2013, donc, que Benoît XVI étonne le monde entier en annonçant sa renonciation comme pape. Ces derniers mois, j'ai senti que mes forces avaient diminué et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer pour prendre la juste décision pour le bien de l'Église. Je vous remercie pour le respect et la compréhension avec lesquels vous l'avez accueilli. Je continuerai à accompagner le chemin de l'Église par la prière et la réflexion. Le pape a décidé de démissionner depuis déjà plusieurs mois parce qu'il est épuisé physiquement et parce que la perspective de se rendre à Rio pour les JMJ fin juillet, c'était tout simplement physiquement pas possible et que ses médecins lui déconseillaient. C'est pas un homme qui précipite les décisions. C'est un homme qui réfléchit mûrement. C'est un homme qui prie beaucoup, qui prend conseil, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, c'est pas un homme qui prend des décisions à la va-vite. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une affaire qui l'a touché personnellement, presque physiquement, cette affaire du majordome qui, nous, peut nous faire sourire. Mais imaginez une personne de 86 ans qui est trahie par l'une des 5 ou 6 personnes qui fait vraiment partie de sa famille, qui est le plus proche de lui. Or, le vol de documents a été avéré, puis la publication du document. Et croyez-moi, ici, ça a été vraiment un coup de tonnerre lorsqu'on a vu dans la presse, puis dans un livre, la publication de documents ultra confidentiels qui n'ont pas été démentis et qui dévoilaient des aspects, non pas secrets, mais des aspects vraiment confidentiels de la diplomatie du Vatican, de la vie de la cité du Vatican, de la correspondance du pape avec des personnalités de très très haut niveau. Ce pape s'est senti trahi et nous avons senti qu'à partir de ce moment-là, il a accusé le coup. C'est Frédéric Mounier qui était correspondant au journal La Croix au Vatican en 2013 que vous entendiez dans cet extrait tout de suite après Benoît XVI en février 2013. Pourquoi Alain Crevier, Benoît XVI, décide-t-il de renoncer à sa fonction de pape? En tout cas, ce que vient de dire Frédéric, et Frédéric a passé 3 ans là, à la salle de presse, puis à couvrir ces choses-là, Benoît XVI dit « Ben non, c'est pas ça ». Mais dans le fond, c'est vrai que quand je vous disais c'est de crise en tempête ou de tempête en crise, ça allait dans les... Je pense que le summum, là où vraiment ça blesse, ça a été effectivement l'histoire du majordome qui rend public des documents secrets qu'il cachait dans sa chemise et qu'il livrait à Gianluigi Nuzzi, qui lui en a fait un bouquin, puis ensuite des articles de journaux. Mais il n'y avait pas que ça. Moi, je suis sûr qu'il n'y avait pas que ça. Je me souviens d'une image, j'en étais gêné. Puis pourtant, je suis un athée, moi. Mm. Mais je couvre ces choses-là depuis un bon moment. Et je vois une image où Benoît XVI est assis à un pupitre. Il y a évidemment des caméras qui ne sont pas là par hasard. Et quelqu'un glisse devant Benoît XVI une tablette, un iPad. Mm. Et il regarde ça comme si c'était « Mais pourquoi je suis obligé de faire ça? » Puis là, il joue avec pour faire semblant qu'il était de son temps. Ouais. Et je pense qu'il ne l'était pas. C'était pas lui, c'était pas avec lui. Et je pense que c'était un homme qui a dû gérer... L'affaire du majordome, c'est un truc, mais c'est que contenaient les documents qui ont été publiés. Ça révélait à quel point Benoît XVI avait de la misère à gérer les ressources humaines, gérer la direction de l'Église. Il était dépassé de tous bords, de tous côtés. Et moi, j'ai toujours dit, c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'à un moment donné, il a dit lui-même... Quand on n'a pas les moyens, la source, les ressources pour contrôler, diriger l'Église, il faut savoir partir. Et non seulement ça, il faut dire qu'on part. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait. Et peut-être plus l'envie du tout non plus, mais en tout cas, constater qu'on n'est plus l'homme de la situation. C'est un oui, peu ça. Exactement. Ouais. Exactement ça. Alain Crevier, journaliste, animateur à Radio-Canada, merci beaucoup, Alain, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Merci. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc et Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre nouvelle application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.